Le purgatoire selon Maria Sima. 3. Le purgatoire. Maintenant, dites-moi exactement ce qu'est le purgatoire. Le purgatoire est un lieu et un état que connaît chaque âme qui a encore besoin d'expiation et de réparation pour les péchés commis durant sa vie, avant de pouvoir rejoindre Jésus au ciel. On enseigne très peu de choses sur le purgatoire de nos jours et, parce qu'on en parle peu, cela conduit beaucoup plus de gens à devenir personnellement plus curieux. Sans direction spirituelle, ils tombent alors facilement dans les pratiques occultes. Le purgatoire est une condition mais a lieu, sans aucun doute. C'est aussi un temps d'attente durant lequel les âmes languissent après Dieu. Cet ardent désir de Dieu est leur plus grande souffrance. Toutes les âmes vivent cela, peu importe le niveau où elles se trouvent. Il existe trois grands niveaux au purgatoire, et les âmes qui me visitent sont celles à qui il manque relativement peu de choses pour accéder au ciel. Je crois cela à cause de ce qui s'est passé lorsque j'ai été appelé par le propriétaire d'une maison où des choses étranges se produisaient la nuit. J'ai accepté d'aller y passer une nuit pour voir si je pouvais l'aider. Il n'a pas fallu attendre longtemps pour qu'un bruit lourd et sourd se fasse entendre dans le hall. Comme je le fais d'habitude, j'ai demandé « Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Mais les coups sont devenus de plus en plus forts et un énorme animal que je n'avais jamais vu est apparu soudain, et juste derrière lui un grand serpent qui a rapidement dévoré le premier animal. Puis toute la scène a disparu. J'ai dû avoir un peu peur parce que j'étais en sueur lorsque tout s'est terminé. J'en ai parlé plus tard à un homme qui connaît bien ce genre de choses et c'est lui qui a identifié le premier animal. C'était un hippopotame, qui symbolise la dureté de cœur. Cela ne veut pas dire que la femme était au purgatoire sous la forme d'un hippopotame. C'était seulement une façon de me faire comprendre ce cas plus clairement. Après avoir longuement parlé avec le veuf, il est bientôt devenu très clair que sa femme avait entretenu une animosité contre une autre femme durant une trentaine d'années, alors que cette dernière avait désiré faire la paix entre elles. Ce refus de pardonner lui avait valu les profondeurs du purgatoire d'où j'avais été incapable de la délivrer. Je crois ne rencontrer habituellement que les âmes des niveaux les plus élevés du purgatoire grâce à ce que j'ai vu dans un journal tenu par une princesse allemande des années 20. Elle a vu durant plusieurs années les âmes des niveaux les plus bas du purgatoire et la plupart de ses descriptions sont absolument monstrueuses et beaucoup plus pénibles que celles que j'ai pu voir. Eugénie von der Leyen, 1867 à 1929, a tenu un journal des apparitions des âmes du purgatoire de 1921 à 1929 par Mengesprou Schmiermenselin, Eugénie von Leyen, Christiana Press, ch. 8260 Stein am Rhin, Switzerland 1979. Quelle autre différence y aurait-il entre les niveaux du purgatoire? Satan peut encore attaquer les âmes tout en bas, mais il ne peut pas le faire au niveau supérieur. Il est vrai que nous sommes mis à l'épreuve ici sur terre et que les épreuves cessent à notre mort. Cependant, les âmes au troisième niveau inférieur du purgatoire doivent expier les péchés commis avant que nos prières, nos messes et nos bonnes actions puissent leur profiter. Et une partie de la souffrance à ces niveaux est de continuer à subir les attaques de Satan. Les nombreux niveaux du purgatoire diffèrent de la même manière que toutes nos maladies sur terre sont différentes. L'une peut consister en une simple irritation de l'ongle alors qu'une autre peut consumer le corps tout entier comme un feu. Ce feu n'existe qu'aux derniers étages inférieurs du purgatoire, mais pas aux plus élevés. Nos prières peuvent-elles empêcher les attaques sur ceux du fond du purgatoire? Oui, elles le peuvent. Spécialement si on le demande à Michel Archange et aux anges d'un rang moins élevé. Et entre ces trois grands niveaux, il existe encore d'autres degrés? Oui, en grand nombre, parce que chaque âme est tellement différente d'une autre quand elle arrive là. Il existe des grandes et des petites souffrances, et toute une gamme de souffrances intermédiaires. Il y a probablement là autant de niveaux qu'il y a d'âmes parce qu'il n'existe naturellement pas deux personnes ou deux âmes qui soient identiques. Lorsque les âmes souffrent, peuvent-elles quand même connaître la joie et l'espérance? Jamais une âme ne souhaite revenir ici sur Terre parce qu'elles ont une conscience de Dieu beaucoup plus claire que la nôtre. Elles ne veulent jamais revenir dans les ténèbres où nous vivons. Alors Dieu place là les âmes pour les purifier des péchés qui n'ont pas encore été expiés et réparés. C'est habituellement ce qu'on enseigne et c'est incorrect, et ce genre d'enseignement peut facilement faire fuir les gens. Ce n'est pas Dieu qui les place là. Les âmes se jugent et s'assignent elles-mêmes le niveau approprié. Ce sont elles qui veulent se purifier avant de rejoindre Dieu. Il est très important de prendre conscience de cette vérité particulière sur l'amour de Dieu. C'est donc nous qui reconnaissons que nous ne sommes pas assez purs et que nous avons, par conséquent, besoin de purification au purgatoire? Exact. Les âmes se révoltent-elles parfois contre leur état? Sont-elles patientes ou est-ce que certaines refusent l'état dans lequel elles sont? Elles sont patientes et veulent souffrir, sachant qu'elles peuvent ainsi expier et faire réparation pour tout. Elles deviennent pures pour se présenter devant Dieu dans tout leur éclat. Plus elles expient et réparent, plus elles deviennent pures. Les souffrances du purgatoire sont-elles plus grandes que celles que nous connaissons sur Terre? Dans l'ensemble, elles sont plus grandes, et parfois beaucoup plus grandes, spécialement au troisième niveau. Les âmes souffrent plus spirituellement que nous. Lorsque j'ai demandé un jour à quelqu'un de quoi il souffrait, il m'a répondu que c'était une souffrance très particulière. Par exemple, un père trop paresseux, pour subvenir aux besoins de sa famille, qui avait beaucoup souffert à cause de lui, devait travailler beaucoup au purgatoire. Ce genre de souffrance serait beaucoup plus grand que celui que le corps connaîtrait ici en travaillant. Mais les souffrances de la terre, bien qu'elles soient moins dures, ont beaucoup plus de valeur pour effacer nos péchés que celles du purgatoire. Si le purgatoire est aussi un lieu, est-ce que les âmes passent ce temps dans des endroits particuliers ici sur terre? Il semble qu'elles se réunissent le plus souvent autour de l'autel, ou bien séjour à l'endroit où leur corps est mort. Je connais une femme au Liechtenstein qui les voyait autour de l'autel, et lorsqu'elle ne les y apercevait plus, elle savait qu'elles étaient entrées au ciel. Ce n'est pas du purgatoire que les âmes viennent vers moi ou à nous, elles viennent à nous avec le purgatoire. Le purgatoire, c'est beaucoup d'endroits différents, ce n'est pas un endroit en particulier, et bien des états différents, et non un état particulier. Si le purgatoire est un grand nombre de lieux ou un grand espace, alors est-ce que le ciel et l'enfer sont aussi des lieux? Mon directeur spirituel m'a demandé de poser la question et la réponse a été, ce que beaucoup de théologiens enseignent aujourd'hui est faux lorsqu'ils disent que le ciel, le purgatoire et l'enfer sont simplement des états. Ce sont également des lieux. Combien de temps les âmes doivent-elles rester là avant de pouvoir entrer au ciel? Ça varie beaucoup. Certaines y sont simplement pour une demi-heure, d'autres jusqu'à la fin des temps, jusqu'au dernier jour. En moyenne 40 ans, me disent les âmes. Il y aura donc un dernier jour? Oui. Est-ce qu'une pauvre âme peut voir les autres et communiquer avec elles? Elles sont toujours conscientes de la présence des autres et savent qu'elles n'étaient pas seules lorsque beaucoup ont collaboré pour faire quelque chose, mais elles ne communiquent rarement entre elles. Maria, est-ce qu'elles peuvent lire? Elles lisent spirituellement. Je le sais parce que lorsqu'elles viennent à moi, je n'ai pas à lire les noms ou les questions que je dois leur poser, elles les prennent simplement sur la feuille. Que savent-elles sur leur famille? Je dirais presque tout. Elles nous voient tout le temps. Elles entendent chaque mot que nous prononçons sur elles et elles connaissent nos souffrances. Mais elles ne connaissent pas nos pensées. Elles regardent leurs propres funérailles et savent qui est là pour prier ou pour être vu par les autres. Ces âmes savent-elles ce qui va se passer dans le monde? Elles savent certaines choses, mais pas tout. Elles m'ont dit que quelque chose de grand était à nos portes, pour bientôt. Elles disaient depuis longtemps que c'était devant nous, mais depuis mai 1993, elles utilisent l'expression « à nos portes ». Ce sera pour la conversion de l'humanité. Elles m'ont dit aussi des choses moins importantes avant qu'elles n'arrivent. En 1954, elles m'ont prévenu durant l'été des inondations qui ont fait tant de dégâts dans la région. Elles m'ont également dit, après une avalanche, qu'il restait encore des gens en vie dans la neige. J'ai demandé aux secouristes de poursuivre les recherches 2 jours de plus que prévu et ils ont bien retrouvé des personnes vivantes. On dit que le temps n'existe plus après cette vie, mais vous dites que le purgatoire est un temps durant lequel on languit après Dieu. Pourriez-vous vous expliquer? Il est juste de dire que le temps n'existe plus après cette vie, mais lorsqu'on dit qu'une âme doit souffrir un certain temps au purgatoire, c'est une façon de traduire cela en temps pour nous. Elles peuvent aussi dire qu'elles doivent encore souffrir, qu'elles ne peuvent pas encore être délivrées ou que leurs souffrances ont diminué. Lorsqu'une période de temps est donnée, ou un certain nombre de messes, cela symbolise l'intensité et la somme des souffrances. Les âmes ont-elles un corps, comme le nôtre ou est-ce un corps différent, disons, spirituel? Elles disent qu'elles ne remarquent pas qu'elles n'ont pas leur corps avec elles. Elles ont un corps transfiguré et il peut prendre la forme d'un corps humain guerrier habillé. Les âmes regrettent le mal qu'elles ont commis. Est-ce qu'elles regrettent aussi les choses qu'elles n'ont pas faites lorsqu'elles étaient ici-bas? Elles regrettent les occasions qu'elles ont laissé passer de faire le bien pour Dieu et le prochain, et elles voient alors tout le bien qui en serait sorti. En mourant, nous perdons la possibilité de faire de bonnes actions. Les âmes du purgatoire ne peuvent plus mériter comme nous le pouvons ici. On dit aussi que les anges nous envient parce que nous pouvons faire des bonnes actions pour Dieu, alors qu'eux-mêmes ne peuvent pas gagner ainsi plus de mérite. Rire. Qu'est-ce qui se passe lorsque ceux qui savent que le purgatoire existe continuent quand même à pécher en pensant que ça ne sera pas si grave? Ils le regretteront amèrement. Beaucoup plus encore que ceux qui commettent le même péché sans connaître son existence. Quelle est la raison la plus profonde de tout ce que vous vivez? Dieu a permis tout cela pour qu'à travers ma mission les autres puissent clairement comprendre que la vie nous est donnée ici-bas dans le seul but de pouvoir gagner le ciel. Notre raison d'être ici est de faire du bien à notre prochain afin d'être avec Dieu, ici, maintenant, et plus tard dans l'éternité. Par cette prise de conscience, la vie devient de plus en plus précieuse pour chacun et l'absurdité de ce qu'en font un grand nombre de personnes devient également beaucoup plus claire. Cela nous montre l'immensité de l'amour de Dieu et la glorieuse beauté que peut être la vie lorsque nous collaborons avec Dieu. Ce qui m'a été montré peut et devrait donner aux gens une orientation claire dans la vie, s'ils veulent participer à la volonté céleste de Dieu et à sa beauté finale. Et si vous deviez résumer ce que vous avez vous-même appris au cours de ces nombreuses années d'une expérience fort rare? Aimez Dieu de toutes ses forces.